Qui manie le mic, l'MC, ça sert à rien de s'enfuir. Juste des rafales de baffes et de pas suffisent pour bâtir un empire. Stop. Ouais, dégage, ouais. Ta bouche. C'est des VK qui manie le mic, l'MC, ça sert à rien de s'enfuir. Juste des rafales de baffes et de pas suffisent pour bâtir un empire. Rien que ça s'empire. Ma haine s'empile et satisfait se faire prier. Je me demande si les gars sont des peureux ou des puceaux à force de paniquer. J'ai quelques rimes qui pètent en tête. En fait, sur le vide, c'est la tempête. J'ai que les flics ça pète sans deck, ça se fait car mon équipe est en tête. Y'a plus de logique, c'est la merde. Car quand tu vis dans nos logis, tu comprends vite que le cancer n'est pas qu'un signe astrologique. Artiste tragique, ma vie trafic, la nuit j'agite mon big magic magique. Une vie basique classique, la spice invite sur de la c'est classique, t'as bien compris. MSD, les dégâts sont commis, des VK pour ce qui va pour tomber à pic. Un méga sodomie, c'était taqué domine qui dépasse ses domis. Ouais, fiston, on voilà la vie en rose dans un batterie. Quand charger ses batteries, un quotidien qui rend ta vie pas triste. C'est Paris, Paul Nord, et tous les faux décombres d'un vodka, juste une ombre parmi tant d'autres que Paris 18 ans. Malo balance une frotte, donc avec les frères en kick, c'est à prendre au sérieux, c'est loin d'être une plaisanterie. Armé des pics, vient cette envie de lâcher des rimes. Alors on se met au taf d'une prétention de casser des briques. J'écris noir sur blanc, donc mon rap est métissé. De crever, ça me fout les boules comme un rappel des huissiers. Tu sais ce que je veux faire, dédicacer mes beatmakers. Grâce à vous, j'ai progressé depuis que vos styles m'effleurent. Sacrof, Chiloma et Mick, et Mada, vodka, salaud. Ça gratte fort, c'est la mise jusqu'à ce qu'on se casse à l'aube. Le mal sonore transmissible, c'est ancré depuis le départ. Ouais, c'est ce virus qui fait que sans cesse j'aiguise mes phrases. Je résisterai pas à l'envie que mon son s'étende. Mes cupiches que je m'investis et j'en subis les conséquences. Les bombes se répandent, la pampa jusque Paname. Tous les frères représentent après un verre et deux, trois lattes. Je vois que les mecs s'excitent quand je fais valser mon lexique. Même devant la scène, si je trouve la rime plus sexy. Alors, rien de 8, rien de 9 à raconter. Les mecs que jouent les Mac et Mac et Mars, ça va marcher, pas de problème. Le même manque de veines, d'aubaine, la même rengaine. Des gaines et des peines et des percées, des pertes perso. Tu rien ne m'impressionne quand je pose, gars. Comme des VK, j'impose mon style avec un pose, gars. Lèvez les bras en l'air, voici, je vois si vos mains sont sales. Pas de garçon sale, que les mecs font ce gars qui trouvent ça fandard. Je veux mon rap tout pas, tout comme Tupac, mais tout le monde s'en tape. Sur des putains de brasier, mon pute. Putain le rap se trapale en sandales. Ma vie déclare, ma ville est ma vie. La nuit, la mi je manie. La rime arrive à la fin du son, mais non pas tout de suite. Faut que les mecs se moquent de moi, qui ne me parle pas. Car le but est le but est le mec, le plus de pression dans le casque. Un homme, la MSD, oui, mollo sur le débit. Qui poilie l'ici, qui ne veut pas de ma thérapie. Qui pose un pied à terre à la materazzi. Aussi rigide, fini crâne fracturé sur le maquis. Mickey, c'est plus reste, quitte avec lui qui l'a taclé. Aussi rassasié qu'après un travail bâclé. Mes petits médites, si tu m'évites, dans le high kick, une mécanique bien rotée. Donc ne viens pas me carotter. J'ai la tête lourde, mais tant qu'elle reste sur mes épaules, je joue pas sous la foudre et je représente le PN Paul. À peine j'arrive au taf, sur la machine à café. Ça check Cassino Marmoustaf et la routine est lancée. J'en kiffe pour 8 heures sur le scène à entasser les palettes. J'avoue y'a rien de glorifiant, seul avantage c'est le salaire. À la pause avec Mirko, encore un mégot j'écrase. Après on parle football et à 22h je me casse. Rendez-vous Paris 18, ce soir mal au prend nous berce. C'est ton on a pour la nuit, faut soulager le mental en verre. Les frères répondent à l'appel, y'a du talent à perdre. Si l'ambiance est freestyle, normal c'est dans nos caractères. D'un vodka sale aux acrophes, Kima et Mix. Nous aussi pas d'autographe, chillant. T'inquiète la révise, en 16 mesures j'fais de la pub. J'décris une journée banale, triple menace MSD. Associé microclimat, rituel la confrérie. La relève, les galages qui morgent. Oussama tous dans Adèle, body flow HMZ. Écoute la connexion, gratte un nouveau texte ici. Et pour ceux qui prennent la mouche, on a la rime insecticide. Un nouveau projet dream qui fait mal comme un projectile. On court après le bonheur mais toujours pas prêt d'approcher ce titre. Dépassé on silence dans le sens du sensé. Un mic pour seul ustensile sur un flit au style offensif. La plume irritée par la grisaille qui nous entoure. Les coups au cœur c'est peut-être ça qui finira par nous rendre fous. Passe-moi un beat, un stylo, ma gueule, j'oublie tout le reste. Mais à côté je ne vois rien de bon pour moi à court terme. Les nerfs à vif face à tous ceux qui ne pensent qu'à serrer la vis. Quand tu t'écroules dans ta galère on dit que telle est la vie. Est-ce que j'ai raté la mienne à force de gratter la rime? Parce que j'ai dérapé et qu'elle était ma thérapie. Et terrasser le beat en fit en bête exutoire. On tape un kiff en fête et ça peu importe le résultat. Tous rassemblés, sans plaie, on voit pas de tasse cambrée. On voudrait remplacer le West Park est à l'embray. Les mentalités sont dangereux, grosse ça AMX chillum. C'est sûr qu'au quotidien, mon gars, j'aimerais dire que j'innove. Oh, ça est long, je t'impose les mots, improvise le photo. Je te casse le dos. Sans état d'âme, c'est le bombier, mais on frappe au cadre en attendant l'immersion et l'anesthésie locale. Tous rassemblés, sans plaie, on voit pas de tasse cambrée. On voudrait remplacer le West Park est à l'embray. Les mentalités sont dangereux. dangereux, grave ça AMX Shilom. C'est sûr qu'au quotidien, mon gars, j'aimerais dire que j'innove. Oh oh, ça est long, je t'impose les mots, improvise le flow auto. Je te casse le dos. Sans état d'âme, c'est le courbier, mais on frappe au cadre en attendant l'immersion et l'anesthésie locale. Tout sera sans blé, sans blé, on voit pas de tasse se cambrer. On voudrait remplacer le West Park et à l'ombre. Mentalités sont dangereux, grave ça AMX Shilom. C'est sûr qu'au quotidien, mon gars, j'aimerais dire que j'innove. Oh oh, ça est long,